Ouais, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Parce que là, de toute façon, si on restait. De toi là. Mais non, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai envie de voir les chevaux. Bonjour. Bonjour. Thank you.